D'après le News 1 de Corée du Sud, la succursale de Busan du Parti démocratique d'Obulo a publié le 19 courant une déclaration contre les menées d'expérimentation des armes biochimiques des États-Unis. Par ailleurs, le chef de cette succursale a exigé l'arrêt total du plan de guerre biochimique des États-Unis qui menace la vie et la sécurité des citadins de Busan et souligné de faire face à l'expérimentation des armes biochimiques.